Vamos perezos, será ser así, sos. Vamos perezos, será ser así, sos. Vamos perezos, será ser así, sos. Cada lion se passe de l'éclé du succès. Je crame à terre dans la poche, je suis en surprise. Je regarde ta ligne, ma chèque, elle me surveille. Une flamme en neuf moments que tout l'abrême. Elle a sucé tous mes potes, tu l'embrasses après. Vous me faites marrer, faites pas les tarés. Je suis préparé, lobby des boules, c'est carré. Hey, j'aime trop mon secteur. Et sur la sec, lobby secteur. Je crie nouveau 16. Pour la prod à go, à plonge, on va vous mettre le doigt. J'avoue, pour ça, on est doué. Et ma gorge est nouée. Quand mes frères passent aux acides, ça cipe, peur dans la salive. Promettre, mon nouveau vaisseau, tu vas, t'es saut, je parle schizo, ciso, j'ai le karma à zizou, c'est le carnage dans ma tête, comme c'est le carnage à tilted, pas nous comprendre, bafo les textes, on vise la tête, bafo les textes, j'ai du THC dans les textes, ta mère la pute, ta billage nous déteste, ouais, je suis tisseur il y a 7 mois, et puis je suis en CJ, avant de faire quelque chose, tu fermes ta gueule, poteau, et tu réfléchis. Je prends mon secteur. Et sur la sec, le bisecteur. Je prends mon secteur.